Le feu s'allume au loin dans la plaine. Près de ce qu'il avance, les ombres s'éloignent. Le vent murmure une vieille rengaine. Le jour se lève, la lutte rejoint. Les caisses s'ouvrent, le butin s'empile. La team se lève, soudée, agile. Les murs se dressent, solides et fiers. Dans ce monde sauvage, chacun fait sa guerre. Les pas résonnent sur la terre battue. Le grain est dur, mais la foi continue. Les étoiles disparaissent dans le ciel. Chante, l'espoir est fidèle. La nuit s'efface, le combat grandit. Dans la forêt, la foi ne fléchit. Les voix s'élèvent dans l'air frais du matin. Unis, nous marchons vers notre destin. Horizon de feu, le combat s'éveille. Bras de skill guide, la team sans pareil. Chaque jour, chaque nuit, une prière. Dans Rust, la survie éclaire la lumière. Nos voix résonnent au cœur de la forêt. Ensemble, toujours prêts à lutter. Les pièges sont tendus, la vigilance règne. Les ennemis approchent, mais rien ne freine. Le feu éclaire les visages déterminés. La team résiste, toujours soudés. Les bases tiennent, les murs protègent. Chaque victoire est une page écrite. Les cœurs battent en rythme sous la pluie. Les voix s'élèvent, portées par l'envie. Chaque bataille forge des liens solides. Dans cette forêt, la vie est splendide. Sous les étoiles, les alliances se scellent. Le vent s'élève, les tambours battent, nos voix s'entrelacent, la foi éclate, le combat avance, la lumière éclaire, dans ce sanctuaire, la légende prospère. Les pas reprennent, le combat s'intensifie, Ridescule crie, la team unifie, les bases tiennent, la rage brûle, chaque jour une s'accumule. Le grind est dur, mais la force est là. Chaque victoire est un pas vers la joie. La nuit apaise les âmes en feu, mais la vigilance jamais ne s'efface. Chaque étoile éclaire notre chemin. Dans cette forêt, le courage est sain. Les voix s'apaisent, le silence s'étend, la flamme brûle, jamais elle ne descend. Rider Skill sourit, prêt à repartir dans ce sanctuaire. La lutte va grandir. Les sabots frappent, la forêt gronde, les voix s'élèvent, défiant. Le soleil monte, la forêt s'éveille. Dans le stream, une nouvelle bataille se révèle. Raider Skill avance, fier et droit. Dans ce sanctuaire, la lutte est loi. Rugged.